Son parfum me transporta à des années-lumière de notre nightclub. Fiona, reine interstellaire, reine de l'univers, mène-moi au ciel en propulsion hyper exponentielle. Fiona, reine des galaxies, raconte-moi ta vie, montre-moi tes planètes, je te montrerai ma comète.